franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Ah, si je te dis, Margaret, si je te dis Tino Rossi. Ah, Catherine est ta belle. Chi-chi. Écoute, l'amour t'appelle. Chi-chi. Oui, et Île de beauté. Ah, je sais, c'est la Corse. La Corse, oui, oui, la Corse, cette île si belle et si sauvage, si lointaine et si proche, où il fait bon passer ses vacances quand on vient de métropole. Ah oui, elle porte bien son nom, l'île de beauté. Bonjour Patrice, Patrizio, qui n'habite plus en Corse, si ? Ah si, je vis en Corse. Bonjour Philippe, bonjour Margaret. Bonjour, quelle chance. Nous, on adore la Corse. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Dès qu'on a deux jours l'hiver, on va s'y reposer. Alors c'est un peu spécial, hein. C'est un ancien séchoir en fait, qu'on a fait abattre. On a reconstruit sur 23 000 mètres carrés de terrain. Alors bon, les habitants du coin sont un peu bourrus. Hein. On n'est pas toujours les bienvenus, mais bon. En même temps, on n'y va pas pour les gens. Des gens, on en voit toute l'année. On y va pour la beauté sauvage des lieux et puis pour être tranquille. Ah, c'est pas très gentil pour le peuple corse, ce que vous dites. Hein, non ? Oui, alors, peuple corse, ça aussi, on pourra en débattre. Hein. Bon, alors, mon vieux, quel est le souci ? C'est pas un accident du travail, j'imagine. Pourquoi ? Bah, parce que vous êtes corse. Non, mais c'est une blague. Bon, c'est vrai, en même temps, qu'on n'y va pas forcément pour rigoler non plus en Corse. Ça, il vaut mieux aller dans le Bordelais pour ça. C'est, hein, c'est pas faux. En fait, je vous explique mon problème, ouais. Ou bien vous riez. Non, je vous en prie. En fait, je me suis brûlé bêtement la main hier. Et bon, c'est, ça n'a pas l'air d'être très grave, mais j'ai mis de la biafine en couche épaisse. Et ça a l'air d'aller, mais je voulais savoir si vous pensez que je consulte ou pas, quand même. Non, ça dépend de la profondeur de la brûlure, mon vieux. Non, c'est assez superficiel. C'est juste, en fait, bon, comment dire, en allumant une mèche un peu courte que je me suis fait ça, quoi. Une mèche Oui, une mèche pour allumer la poudre. Allô ? Oui. Vous en pensez quoi ? Que je consulte ou... Eh ben, la biafine, bravo ! Bravo, hein ! Ah oui, c'est une bonne idée, ça a bien joué, Patrice. Et puis, bah, du repos, hein ? Mais ça, pas besoin de vous... Non, d'ailleurs, pas forcément, pourquoi ? C'est quoi ces idées toutes faites, Marga ? Ouais. Bah oui, non mais monsieur travaille, et sûrement plus qu'on ne croit. Non, mais j'ai rien... Oui, d'accord, bon, merci. Vous connaissez bien la Corse ? Elle est où, votre maison ? Hein ? Elle est où, votre maison ? Quelle maison ? Vous venez de me dire que vous avez une maison, là-bas. Oui, non mais justement, on peut pas appeler ça une maison. C'est pour ça que je faisais pas le rapprochement. Et vous appelez ça comment ? Ah ben, on l'appelle pas, on dit, oh, on va en Corse, mais on dit pas dans notre maison en Corse qu'on s'est fait construire sur un terrain. Non, ça, on dit pas ça, jamais, jamais. Non, mais il y a un toit, des murs, une piscine. Ah, une maison ! D'accord, dans ce sens-là, oui, d'accord, oui, d'accord, mais pas dans le sens résidence secondaire, vous voyez. Ah, c'est pas votre résidence secondaire ? Non. C'est votre résidence principale ? Non. Ah, en fait, c'est l'un ou l'autre, hein ? Non. Bah si. Bah si, oui, il a raison, arrête. Tu vois. Bah oui. Ah, non, mais en fait, c'est parce que je vous explique. C'est pas une résidence secondaire dans le sens où vous l'entendez, vous, voilà. Ah, c'est à dire ? Eh ben, c'est à dire que quand on passe devant, on se dit pas oh là là, encore une résidence secondaire, on va la faire sauter, par exemple. Voilà. Non, mais vous avez le droit d'avoir une maison en Corse. Eh ben oui, ben pourquoi non ? Et puis quoi encore ? On est chez nous quand même. Enfin non, on n'est pas chez nous, on est chez vous. Et on est tous d'accord là-dessus. Ah oui, d'ailleurs, et comme on est chez vous, eh ben vous venez quand vous voulez, du coup. Arrête. Ah, ça c'est gentil. Ben de rien. Vous êtes où ? À Radio France, pourquoi ? Non, mais votre maison. Ah, au Vésinet. Non, mais votre résidence secondaire, elle est où? Oui, mais on vous a dit, on ne peut pas parler de résidence secondaire, hein, monsieur Patricio. Patricio Carpaccio. Arrête. Hein. Bah quoi? Non, mais ce que vous avez fait construire en Corse... Construire... Et votre maison avec piscine, elle ne s'est pas construite toute seule, non? Ah non! Ah non, et ce sont des artisans locaux, très méritants d'ailleurs, figurez-vous, parce qu'il fait très chaud et ils ont beaucoup de courage. Ah oui, alors, et on leur donnait du thé glacé, des cookies. Hein, ouais. Oui, et puis on ne peut pas vraiment parler d'une piscine, vous savez, ce qu'on a, c'est très. C'est basique, quoi. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de l'eau. Et encore, c'est pas la mer, hein. D'abord, c'est pas salé, il n'y a pas de bateau, puis vous pouvez toujours essayer de pêcher dedans, vous n'êtes pas prêt d'attraper quoi que ce soit. À part une verrue. Et encore. En tout cas, merci pour l'invitation. Hein. De rien. C'est où en Corse? Ah, c'est où en Corse? D'accord, je ne comprenais pas. Je ne comprends rien ce matin. Je comprends tout le travers. Je n'ai pas réveillé. Voilà. Donc, vous ne voulez pas me dire où vous habitez quand vous venez en Corse? Si. C'est plus vers Bastia ou vers Ajaccio? Ah! Ouf! Alors là, attends, c'est. C'est plus du tout. Ah zut! C'est vers. Comment ça s'appelle? C'est forcément. C'est quelque part, mais c'est comme. Ah là là. Ça c'est fou, c'est comme les codes de carte bleue. Hein, quand on s'en sert pas, on oublie. En plus, comme on y va très peu. Pourquoi? Ça vous plaît pas? Si! Oh là là. Oh, c'est très beau! Si. C'est très très beau! C'est très très beau! Ouais. Mais bon, c'est plus à vous qu'à nous. Ah, du oui. coup, ça servirait à rien hein, que d'un coup, il n'y en ait plus. Ah non? Bon, en fait, vous croyez que je vais faire sauter votre maison? J'ai allumé une mèche de feu de Bengale pour l'anniversaire de mon fils. Ah! Oui! Oui? Non, mais on n'avait pas. Oui, bien sûr! Je n'avais pas compris autre chose, moi. Alors, bon, ben, la biafine, et puis si ça ne va pas mieux, cortisone. Voilà, merci, oui, Patrice. Merci. On a eu chouï. Oula, dis pas ça, c'est tombé l'écoute encore. Merci, Yann Chouquet, pour cette mise en onde. Et au revoir, Philippe. Au revoir, Margaret. Et puis, on va faire une petite surprise à tous nos amis corses. Oui, qu'on aime. Beaucoup. Oh, Catalinetta bella, tch, écoute l'amour t'appelle, tch, pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieille, tch, à votre écoute, tu diras baissant l'oreille, tch, coûte que coûte, si j'avais su dans ce temps-là. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Oh, ma belle Catalinetta. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.